Dans l'après-midi de cette même journée de Noël 1823, un homme, le type de ce qu'on pourrait nommer le mendiant de bonne compagnie, après avoir échappé à un policier de l'entourage de Louis XVIII qu'il poursuivait, il fit le trajet de Paris à Chelles, à côté du cocher. Il était à Chelles à 6 heures du soir et partit à travers bois jusqu'à Montfermeil. Il eut un moment où il parut se perdre, où il s'arrêta indécis. Enfin, il arriva, de tâtonnement en tâtonnement, à une clairière où il y avait un monceau de grosses pierres blanchâtres. Il se dirigea vivement vers ces pierres et les examina avec attention à travers la brume de la nuit, comme s'il les passait en revue. Un gros arbre, couvert de ces excroissances qui sont les verrues de la végétation, était à quelques pas du tas de pierres. Il alla à cet arbre et promena sa main sur le corps du tronc, comme s'il cherchait à reconnaître et à compter toutes les verrues. Vis-à-vis de cet arbre, qui était un frêne, il y avait un châtaignier malade d'une décortication, auquel on avait mis pour pansement une bande de zinc clouée. Il se haussa sur la pointe des pieds et toucha cette bande de zinc. Puis il piétina pendant quelque temps sur le sol, dans l'espace compris entre l'arbre et les pierres, comme quelqu'un qui s'assure que la terre n'a pas été fraîchement remuée. Cela fait, il s'orienta et reprit sa marche à travers le bois. C'était cet homme qui venait de rencontrer Cosette. L'homme lui adressa la parole. Il parlait d'une voix grave et presque basse. « Mon enfant, c'est bien lourd pour vous ce que vous portez là. » Cosette leva la tête et répondit. « Oui, monsieur. Donnez, reprit l'homme, je vais vous le porter. » Cosette lâcha le seau. L'homme se mit à cheminer près d'elle. « C'est très lourd, en effet, » dit-il entre ses dents. Puis il ajouta. « Petite, quel âge as-tu ? » 8 ans, monsieur. « Et viens-tu de loin comme cela ? » « De la source qui est dans le bois. Et est-ce loin où tu vas ? Un bon quart d'heure d'ici. » L'homme resta un moment sans parler. Puis il dit brusquement. « Tu n'as donc pas de mère ?»« Je ne sais pas, » répondit l'enfant. Avant que l'homme eût eu le temps de reprendre la parole, l'ajouta. « Je ne crois pas. Les autres en ont. Moi, je n'en ai pas. » Et après un silence, elle reprit. « Je crois que je n'en ai jamais eu. » L'homme s'arrêta. Il posa le seau à terre, se pencha, et mit ses deux mains sur les deux épaules de l'enfant, faisant effort pour la regarder et voir son visage dans l'obscurité. La figure maigre et chétive de Cosette se dessinait vaguement à la lueur livide du ciel. « Comment t'appelles-tu ? » dit l'homme. « Cosette. » L'homme eut comme une secousse électrique. Il la regarda encore, puis il ôta ses mains de dessus les épaules de Cosette, saisit le seau et se remit à marcher. Au bout d'un instant, il demanda. « Petite, où demeures-tu ? » À Montfermeil, si vous connaissez. C'est là que nous allons. Oui, monsieur. Il fit encore une pause, puis recommença. Qu'est-ce donc qui t'a envoyé à cette heure chercher de l'eau dans le bois? C'est madame Thénardier. Qu'est-ce qu'elle fait, ta madame Thénardier? Elle tient l'auberge. L'auberge? Dit l'homme. Eh bien, je vais aller y loger cette nuit. Conduis-moi. Nous y allons, dit l'enfant. L'homme marchait assez vite. Cosette le suivait sans peine. Elle ne sentait plus la fatigue. De temps en temps, elle levait les yeux vers cet homme avec une sorte de tranquillité et d'abandon inexprimable. Jamais on ne lui avait appris à se tourner vers la Providence et à prier. Cependant, elle sentait en elle quelque chose qui ressemblait à de l'espérance et à de la joie et qui s'en allait vers le ciel. Quelques minutes s'écoulèrent. L'homme reprit. « Est-ce qu'il n'y a pas de servante chez madame Thénardier ?»« Non, monsieur. »« Est-ce que tu es seule ?»« Oui, monsieur. » Il y eut encore une interruption. Cosette éleva la voix. « C'est-à-dire, il y a deux petites filles. »« Quelles petites filles ?»« Ponine et Zelma. »« Qu'est-ce que c'est que Ponine et Zelma ?»« Ce sont les demoiselles de madame Thénardier, comme qui dirait ses filles. »« Et que font-elles, celles-là ?»« Oh !» dit l'enfant. « Elles ont de belles poupées, des choses où il y a de l'or, tout plein d'affaires. Elles jouent, elles s'amusent. »« Toute la journée ?»« Oui, monsieur. »« Et toi ?»« Moi, je travaille. »« Toute la journée ?» « Oui, monsieur. » Elle poursuivit, après un intervalle de silence. « Des fois, quand j'ai fini l'ouvrage et qu'on veut bien, je m'amuse aussi. »« Comment t'amuses-tu ? » ? « Comme je peux. On me laisse. Mais je n'ai pas beaucoup de joujoux. Ponine et Zelma ne veulent pas que je joue avec leurs poupées. Je n'ai qu'un petit sabre en plomb, pas plus long que ça. » L'enfant montrait son petit doigt. « Et qui ne coupe pas ? » ?»« Si, monsieur, » dit l'enfant, « ça coupe la salade et les têtes de mouches. » Ils atteignirent le village. Ils passèrent devant la boulangerie. Mais Cosette ne songea pas au pain qu'elle devait rapporter. L'homme avait cessé de lui faire des questions et gardait maintenant un silence morne. Quand ils eurent laissé l'église derrière eux, l'homme, voyant toutes ces boutiques en plein vent, demanda à Cosette « C'est donc la foire ici ?»« Non, monsieur, c'est Noël. » Comme ils approchaient de l'auberge, Cosette lui toucha le bras timidement. « Monsieur !»« Quoi, mon enfant ? Nous voilà tout près de la maison. »« Eh bien, voulez-vous me laisser reprendre le seau à présent ?»« Pourquoi ? C'est que, si madame voit comment la porter, elle me battra. » L'homme lui remit le seau. Un instant après, ils étaient à la porte de la gargote.